tous les vendredis dès 18h, Destination Série avec Laurent, Benoît et Manon. Destination Série avec Laurent, Benoît et Manon. Bonjour à toutes et à tous. À mes côtés, comme vendredi dernier, j'ai désormais Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Laurent. Eh bien, je suis très heureux de te retrouver pour une deuxième semaine. Enfin, je suis venu que pour Thomas Anders, hein, tu le sais. Voilà, aujourd'hui, en attendant, alors peut-être que ça va aider Benoît à arriver. Pour ouvrir cette émission, nous allons accéder à un des titres qui a été revisité par Christian Geller, le producteur de Thomas Anders. Ce titre fait partie du premier album des Modern Talking. On va le découvrir dans quelques instants. Mais avant, je voudrais quand même signaler que comme chaque vendredi, vous aurez le plaisir de retrouver le rétroviseur, le Manon Série Quiz, normalement. Et bien sûr, le 7 Actu avec les principales infos qui sont tombées cette semaine. On vous propose un des titres qui fait partie du premier album des Modern Talking, sorti en 1985 et qui a été revisité par Christian Geller, le producteur de Thomas Anders, à l'occasion des 40 ans du duo allemand. Alors, ce titre, je le dédicace à Sylvain, car il a eu le courage d'écouter le double album. C'est pas du courage, non, il y a du talent quand même, faut pas exagérer. Et donc, cette chanson, tu l'as adorée? Celle-là, oui, je pense qu'elle sort du lot, enfin, remix ou pas, mais les deux sont vraiment très bien. Enfin, voilà, je laisse découvrir aux auditeurs. Choose. makes me feel alright. Help me through the night. Sometimes you're weak, sometimes you're wild. You're a woman, you're a child. Love makes me feel alright tonight. C'est avec un immense plaisir que je dédicace ce titre à Sylvain. Et là, je m'adresse à Benoît. Je sais que Benoît est fan des Modern Talking. Et aujourd'hui est le grand jour. Alors, je ne vais pas te le proposer. Il ne faut pas non plus trop en faire. Mais oui. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Le premier single de Let's Talk About Love revisité est sorti. Ils ont choisi de remettre en avant Chérie, Chérie Lady. Devinez la bonne nouvelle. La semaine prochaine, on entendra dans Destination Série. Est-ce que Benoît est prêt ? Bonjour, déjà. Bonjour aussi, je suis là, je suis de retour. Mais sorti des bouchons. Mais qui est cette dame ? Je sais pas. Et j'arrive pas à me connecter, comme toujours. Mais aujourd'hui, d'accord. Ça rame, toi, ça du rame, mal. Qu'est-ce qui se oui, passe oui. Non, mais tout à l'heure, j'ai voulu perturber l'ordinateur, il a pas voulu tout de suite mettre la chanson. Comment tu vas, Manon ? Ça va, je suis contente, je suis là, ça fait longtemps, donc je suis heureuse. Donc là, à partir d'aujourd'hui, tu reviens tous les vendredis ? Et non. en replay, enfin à distance, oui, mais pas. Et tu nous avais vraiment vendu du rêve en septembre, toi. Hein. Tu m'as déjà eu beaucoup de temps, enfin beaucoup de fois le mois d'avant. Non, pas le mois d'avant, le studio encore d'avant. Oui, voilà. Donc oui. faut pas trop demander, quoi. D'accord. Faut savoir se faire rare aussi. Hein. C'est, voilà. Faut se... Non mais elle, c'est plus rare, hein. C'est pire que ça. Hein. On apprécie mieux quand je reviens, du coup. Ah, c'est sûr que c'est la fête. C'est la fête. Cette actu avec Laurent et Benoît. Et donc, on va accéder à la première info, qui est une info tranquille. C'est le bilan de la première saison de Carpe Diem. Alors là, Benoît, impossible pour toi de me dire que c'est un mauvais bilan, puisque chaque soir, chaque lundi, ça a été un carton. De toute façon, je ne vais pas dire que c'est un mauvais bilan, parce que c'était une excellente série. Trois soirées magnifiques. Même si la fin... voilà, je trouve que... Il n'y a pas vraiment de réponse à la fin, en fait. Il n'y a pas de réponse, donc on se doute qu'il va y avoir une suite, mais je trouve que non. Je n'ai pas été enthousiasmé par la fin. Il y aurait pu avoir une fin. Et puis moi, je trouve qu'au fur et à mesure des épisodes, on voyait de moins en moins le responsable de l'hôtel. Enfin, voilà, le dernier épisode, on ne l'a quasiment pas vu. Ouais. Je trouve que c'est un personnage qui mériterait qu'on le voit plus. Alors ça, c'est le syndrome des personnages, des responsables d'hôtel. Si vous vous souvenez de la série Vegas dans les années 70, quand la série démarre, on a Tony Curtis qui est un richissime propriétaire d'un casino à Las Vegas. Il gère aussi les chambres qui sont au-dessus du casino. Et dès la fin de la première saison et le début de la deuxième, il se fait très rare. Donc je pense qu'il y a une malédiction sur les directeurs d'établissement. Oui, c'est vrai, exact. Mais franchement, une série inédite, originale, et qui a trouvé sa place, son créneau, dans le créneau du lundi soir. Mieux, je pense, que Joseph. Perso, oui. Perso, j'ai pas regardé la dernière soirée, donc déjà c'est... Bon, j'avais regardé la première soirée, la deuxième soirée d'un œil un peu moins attentif. Et du coup, voilà, j'étais pas disponible hier soir et j'ai pas eu envie de le voir en replay aujourd'hui dans la journée. Donc, ça m'étonnerait que je voie la fin de Joseph. Voilà, et qui sait d'ailleurs un peu l'audio. La fin, c'était hier soir un petit peu. Oui, c'est ça. Et donc. l'audience un petit peu. J'ai pas regardé, j'ai pas vu l'audience d'hier, mais ça avait déjà. Bah, ça tombe bien parce que moi ça m'arrange. Ça c'était un peu effrité la semaine dernière déjà un peu. Oui, hein. Mais ça reste beau quand même. Oui, ouais. Ça reste confortable quand même maintenant. Hein, un commentaire sur Joseph. Je disais que Joseph, oui, il y avait une petite décélération en fait dans les épisodes. Les deux derniers, on sent que le système s'essouffle un peu, même si on garde la bonne humeur du Colombo à la française. Mais il y a. C'est pas de la. On s'habitue pas au personnage, c'est pas ça, mais je sens qu'il y a moins d'humour et moins de folie de l'acteur en fait. Ok. Mais rien ne vaudra Elsbeth. C'est entièrement vrai. La deuxième info de cette semaine, France 2 veut relancer les feuilletons de l'été. Alors là, je m'adresse aux spécialistes des séries et des feuilletons de l'été, des grandes sagas qu'on a eues tout au long des années 90 et début 2000. Exactement, ça pourrait remarcher. Effectivement, c'était un grand plaisir, les sagas de l'été. Il y avait une grande bataille à une certaine époque entre TF1 et France 2. Chacun avait le sien, chacun avait son créneau. Et les deux marchaient, voilà. Il y en avait toujours un à l'époque, le Château des Oliviers sur France 2, cartonné à fond. Ah après, oui, ça a été un immense après, succès. Après, il y a eu les Zodiacs sur TF1 qui ont bien cartonné aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Avec Ingrid Chauvin, Dolmen et compagnie. La main blanche, je sais pas quoi là. La suite de Dolmen, ça s'appelle comment? Et n'oublions pas Les Cœurs Brûlés. Ah, Les Cœurs Brûlés. Avec Mireille Darc. Mireille Darc, la descente. Ça a été un immense succès. Alors, on est parti du sud, de la Bretagne, on a été un peu partout dans toute la France. Alors là, je le regarde, mémoire, ça s'appelle L'Or Bleu. C'est ça. L'Or Bleu. Et ce sera donc sur France Télévisions. Je me rappelle plus de quoi ça parle. Est-ce qu'on peut avoir des infos du côté de Sylvain? Oui, Sylvain, si tu as ça. Par rapport à L'Or Bleu, tu veux dire, Lévis? C'est ça. En fait, c'est une saga, effectivement, estivale. C'est des secrets de famille autour de l'été, la sécheresse. Et ça se passe dans le sud aussi? Oui, absolument, en Provence. En Provence, voilà. Ah. Donc, on retrouve un peu l'ambiance du Château des Oliviers, du coup. Donc voilà, après, il n'y a pas de secret. Hein. Oui, la recette est toujours la même. C'est des familles, c'est des jalousies, on va déterrer, si ce n'est des cadavres, on va déterrer des trucs qui ne sont pas louches dans les familles, et ça va se taper dessus, il va y avoir des règlements de compte. Oui, mais bon, voilà. On peut espérer avoir quelque chose de frais, de bon en été. Quand on voit au cours de l'année la tristesse des programmes, cet été, si on pouvait avoir un bon petit feuilleton français tranquille, ça serait pas mal. Alors je pense, avant d'avoir un avis, il y a une scène en fait de mariage dans cette série qui apparemment est emblématique. Donc tant qu'on ne l'a pas vu, je pense qu'il ne faut pas juger. D'accord. Ok, ouais. Donc c'est quoi? C'est un peu tourné comme Dynasty, un attentat, des terrorismes Non, pas spécialement, non. Parce qu'en général, les mariages dans les feuilletons, c'est une catastrophe. Et voilà. Alors, on peut savoir ce que c'est que L'Or Bleu? On sait déjà ce que c'est que L'Or Bleu. Il faudra regarder le feuilleton. C'est le raisin, non? Non, c'est quoi? L'eau? Non, l'eau, je pense plus à l'eau. L'eau? L'Or Bleu? Bah, la sécheresse, en Provence, tout ça. La sécheresse, L'Or Bleu, L'Or Bleu, oui, l'eau. Oui, oui. Ils vont trouver une source. On a un peu cassé le suspense, mais bon. Voilà. Oui, d'accord. Bon. Cette semaine, on a Sophia et Saïdi qui a réagi. Alors, on a deux articles sur Sophia, dans un premier temps, je voudrais mettre en avant celui où on apprend qu'elle réagit sur le retrait d'Audrey Fleurot et Camille Lou. On s'y intéresse ou pas? On s'en fout? Oui, elle est triste de ne plus avoir ses copines, quoi. Bon, oui. Voilà, c'est poli. Oui. C'est poli, elle aimait bien, effectivement. Ah, j'avais pas ouvert et c'est exactement la phrase qui est mise en la tête de l'article. C'est sûr que j'aurais aimé retrouver les copines. Alors que, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Mais bon, elle va s'en faire d'autres, des copines. Sophia et Saïdi, elle va retrouver Nolwenn Leroy, voilà, et sa brosse Eliande. Sylvain. Et Constance Gay, normalement. Et Constance Gay également. Ça te perturbe ou pas le fait qu'il y a un changement de casting pour la prochaine grande saga de TF1 après les précédents cartons? J'avais bien aimé les deux premières. Faut dire que les quatre actrices marchaient bien. Après, je pense que la formule et la recette fonctionnent, donc il n'y a pas de raison d'être déçu. Oui, puis après, c'est pas la même histoire. C'est pas comme si c'était... On perdait une actrice phare dans une série, dans une saga. Là, c'est effectivement, il y avait ce trio d'actrices qui a fait deux films deux univers différents, en plus, Le Bazar de la Charité et... Bazar de la Charité et l'autre. Et l'autre qui se passait pendant la guerre. Oui, voilà. Combattants. Merci Sylvain. Et donc voilà. Et là, c'était été 36. Donc Voilà, on n'est plus dans la même période non plus. Ça parle plus des congés payés, en fait. C'est le Exactement, début des congés payés. C'est le congé des payés. Donc, ça, 36, voilà. Voilà, donc, qui est d'autres actrices, c'est pas non plus très dérangeant. Voilà. Oui, c'est pas très, très, très dérangeant. Alors, l'autre info, parce que là, je viens de recevoir une alerte. Donc, on va rester avec Sophia, avec la future nouvelle série, parce qu'elle va être dans la prochaine saga, mais on a déjà une nouvelle série avec Sophia Issaidi qui va prochainement pointer le bout de son nez. C'est Intraçable. Oui, une série sur TF1, une série portée par Sophia Issaidi et Alexis Michalik. Elle a été présentée cette semaine au public de Sérimania et apparemment, voilà, c'est quelque chose qui doit tenir le public en haleine. C'est classé dans la catégorie des thrillers et c'est toujours d'abord d'après un drame, comme Laurent les affectionne, après avoir perdu son mari dans un tragique accident 5 ans plus tôt. Julia a désormais un quotidien rythmé par son nouveau travail, sa relation difficile avec son fils, parce que forcément, dans les séries, ça ne se passe jamais bien avec ses enfants, et une cicatrice qui continue de la brûler, ce tragique accident où elle a perdu son mari. Lorsqu'un inconnu va monter un soir à l'arrière de son taxi, puisque oui, Julia est taxi, Julia reconnaît son visage et se souvient de tout un pan de l'accident qui a coûté la vie à son mari. Elle sera donc déterminée à découvrir la vérité. Julia va alors devoir faire face à un mystérieux hacker qui s'acharne à la faire taire. Pour échapper à cet ennemi redoutable, Julia et son fils Achille vont devoir fuir et se mettre en état de mort numérique. Oh, comme c'est beau. Mort numérique. J'ai une nouvelle alerte info, Benjamin. Est-ce que vous êtes au courant que Pierce Brosnan revient du côté des séries aux côtés de Tom Hardy ? Pas du tout, pas du tout. Eh bien, c'est la nouvelle de la semaine. On ne demande pas, on prend. Après avoir cartonné sur Netflix avec The Gentleman, adapté de son propre film, Guy Ritchie débarque sur une autre plateforme de streaming avec une nouvelle série criminelle qui s'annonce diablement cool, d'après le journaliste. Dans Mobland, il réunira Tom Hardy avec l'ancien James Bond, Pierce Brosnan, mais aussi l'ex-souverain de House of the Dragon, Paddy Considine. Ça te dit quelque chose ? Paddy Considine et la reine Hélène Mirren dans un thriller mafieux qui promet de frapper fort, à l'image de la bande-annonce qui est disponible sur Internet. Le pitch de cette nouvelle série, à la tête du crime organisé, les Harrigan luttent pour conserver le pouvoir au sein d'un syndicat du crime mondial. Quand autant d'argent est en jeu, le danger n'est jamais loin. Produit par Guy Ritchie, qui a aussi réalisé plusieurs épisodes, Mobland a été créé par Ronan Bennett, à qui l'on doit l'excellent Day of the Jackal. Je ne sais pas si vous connaissez, diffusé sur Prime. Non. Day of the Jackal. Voilà, donc on a le fameux Ronan Bennett qui, de nouveau, fait parler de lui. Voilà ce qu'on pouvait dire du J'en côté. J'en ai une dernière. Ah, une dernière. Une dernière. Soyons quand même local. On parle de notre ami... On parle de notre ami Parizeau, Monsieur Parizeau qui tourne. Ça dure, il est encore là, Monsieur Parizeau. Hein, avec s'il Corinne, nous écoute, avec hein, Corinne Touzet. Avec Corinne Touzet, ils sont là encore jusqu'à encore une dizaine de jours, hein, parce que ça tourne. On a eu le planning. Oh, j'aime bien Monsieur Parizeau, il peut venir aussi. Mais s'il peut venir avec Corinne Touzet, ça m'arrangerait oui, aussi. Oui, bah, on aurait pu les inviter. Hein, si vous nous écoutez là où vous êtes, hein, en train de tourner ou dans votre hôtel, pas de souci. Vous pouvez venir jusqu'à 19h30, la porte vous est ouverte. Hein, oui, on oui. sonne et on ira ouvrir à Corinne Touzet ou à M. Oui, Parizeau. Si c'est qui Corinne l'acteur parce que M. Parizeau, ce n'est pas son nom d'acteur. On le connaît, ce M. Parizeau. Bah, disons mais... qu'il est... Il est connu comme ça. Pour voilà, ça, il nous a marqué en fait son personnage. Il y a Monsieur son Parizeau. Talent d'acteur, faut avouer quand même, il a un certain talent. Mmh. Son talent d'acteur nous a tellement marqué qu'on a plus gardé le nom de son personnage. Mais oui, donc j'ai déjà parlé de ce tournage-là, mais il y en a un autre depuis le 6 mars. Bon, ça commence à dater, mais ce n'est pas fini. Metz accueille le tournage de la série Laura pour France 2 et qui va se poursuivre dès mardi à Nancy. Voilà, une fiction sur les féminicides. Et on a qui dans le casting ? Eh bien, dans le rôle principal, j'y arrivais, Valérie Bonneton, c'est oui. pas n'importe qui campe une pharmacienne présidente d'une association d'aide aux femmes victimes de violences conjugales. Et cette série a été tournée à Metz-Sablon pendant 15 jours, 3 semaines, là, puisque ils ont recréé dans une rue de Metz-Sablon, juste en face d'où habite mon collègue. Il m'a dit, tu devineras jamais, j'ai croisé Valérie Bonneton devant chez moi. Avant, il y avait une pharmacie qui n'était plus en fonction depuis des années, qui était un peu en délabrement. Et ben ils ont remis à jour cette pharmacie comme en décor. Et les gens ont cru à un moment, ils ont rouvert une pharmacie. Et en fait, non, puisqu'il y avait caméra et tout. Et donc, ils ont recréé cette rue-là. Et dans cette rue-là, il y a eu un féminicide qui a été tourné dans cette rue de Metz-Sablon. T'imagines ceux qui ont reconnu Valérie Bonneton? Ah, sa carrière d'actrice ne fonctionne plus, t'as vu, elle est pharmacienne maintenant. Voilà. Et donc maintenant, l'intrigue va se dérouler désormais à Nancy également. Et donc, pendant tout le mois d'avril, dans les rues de Nancy, il va y avoir aussi ce tournage-là. Bien, pour Laura, série de France Télévisions. Donc, une pour France Télévisions, une pour TF1. Franchement, oui. La Lorraine est une terre de tournage. Oui. Alors, je tiens à dire à tout ce bon monde qu'à Fadjet, on a assez de chaises. Hein. Vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Exactement, il y a de la place pour tout le monde. Et on a aussi assez de micros. Également. Avant de découvrir le rétroviseur 2.0 de ce jour, de cette semaine, les 5 séries qui ont cartonné, nous allons accéder au mur des hits. Et là, on peut le dire, 22 le v'là. Voici le mur des hits. La semaine dernière, Benoît avait quimpé. Ouais. Souvent, hein, il quimpe. Mmh. Il n'est pas content, il est exigeant. Certains disent que je râle, mais bon. Voilà. Donc, ça, c'est plus à quatre cases, ça ne lui. Voilà, ça n'allait pas. Ah, il faut rester sur les bases. C'est 7. Ah, alors là, j'en ai mis 22. 7. Non, j'en veux pas 22. Veux 7. Excuse-moi, mais là, les 22 sont là. Ah, bah non, moi, je reste là. À 7. Donc, le mur des hits. Donc voilà, Manon, pour une fois, c'est toi qui vas choisir. Donc, il y en a vraiment 22 ? Il y en a 22. Ah. Donc tu peux choisir. Il y a 22 chansons. Ah non, c'est justement le. Ah bah voilà ! C'est justement. C'est l'arnaque ! C'est justement le jeu, c'est qu'il y a beaucoup de répétitions et il y a plus de chances de tomber sur Thomas. Moi, je vais choisir 20. Donc, tu choisis la case. Ça devient 20. N'importe quoi. Ça devient. Donc, attention, quoi. J'ouvre la case. Alors, le thème du mur des hits, hormis les 22 cases, c'est des chansons sur la nuit. Donc, la nuit. Voilà, le thème, c'est The Night. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a en chanson In the Middle of the Night là, Les démons de minuit. Là, les démons de minuit. Et là, Peter Bolland, bah voilà, Another the là, Night. Oh, non, non, mais là... Et là... Allez, no comment. Là, au moins, ça en fait rire un, voire deux, bah oui, parce que voire trois. J'ai mis cette chanson-là en me disant, pour donner un petit plaisir à Benoît, oui, mais bon, à tous ça. Les coups, on tombera pas dessus. Non, mais j'ai choisi 20 parce que c'était les 20 ans de ma soeur récemment. Donc voilà, je me suis dit, ça sera un chiffre qui portera chance, mais non. J'ai une pensée pour Camille. Ouais. Camille, je t'embrasse fort, merci. Voici dans Destination Série, avant de retrouver le rétroviseur 2.0. C'est à partir de ce moment-là où je vais chercher Jean-Luc, du coup. C'est plutôt pas mal. Voici Dieter Bohlen, l'autre acolyte de Tom Anders dans les années 80 avec le Modern Talking. Ça s'appelle Another Lonely Night. I'll do Le rétroviseur 2.0. Nous avons retrouvé avec bonheur Benoît. Benoît est revenu de sa petite course. Oui. Donc voici le rétroviseur 2.0, les 5 séries qui ont cartonné cette semaine, mesdames, messieurs. Donc comme chaque semaine, je vais donner le casting dans le désordre et tous les 3, vous allez être obligés de me remettre ça dans le bon ordre. Alors cette semaine, nous avons Alexandra L, Joseph, Carpe Diem, Tropic Criminel et Cassandre qui est 5e. Bah, je dirais moi personnellement, Alexandra, c'est une rediffusion. Oui. Ouais. Il n'y a pas d'inédit à part les autres. Ouais, t'as dit Cassandre, Alexandra L, Joseph. Tropic Criminel, Carpe Diem. Tropic Criminel, ouais. Est-ce que Carpe Diem est 5e? Non. Non, je sais. Bah oui. Non. Non, non, non. Non, il non. A fait une tête bizarre. Non, non, non, non, non. Carpe Diem n'est pas 5e. Il doit être peut-être pas premier parce que Cassandre. Cassandre a fait une contre-performance. Je sais pas trop, ouais. Alors donc, Sylvain, ouais, tu dirais, non, ouais, Alexandra, tu dirais L. Alexandra L. Je pense que c'est pas mal, ça. C'est une rediff, oui, je valide. Oui. Benoît, Alexandra moi, je L. Je pense que c'est pas mal, ouais. Manon. Ouais, pareil. Moi, je suis le mouvement. Elle, elle est comme Robert Lamoureux, je me mouille pas. Donc, en 5e position, c'est bien Alexandra. Ouais, 2 954 000 téléspectateurs, 16,6% de part de marché. Deuxième meilleure audience, quand même, pour France 3, le jour de sa diffusion, qui est 4e. Après, j'ai un doute Tropic Criminel sur l'audience de Tropic Criminel. Ouais, ça peut. On avait une chanson. J'ai des doutes. Je mettrais Joseph, peut-être. Non, c'est trop. Non, Joseph. Il... Non, c'est trop. C'est... Joseph fait plus en 4e. Que 3 millions et quelques. Alors, 3... Ouais, mais dans ce cas-là, il reste quoi? Donc, Benoît si dit Cassandre... Joseph. Sylvain, tu dis quoi? Cassandre, Tropic Criminel, je pense que ça va jouer. J'aurais plutôt Cassandre, plutôt. Parce que Tropic Criminel était bien classé la semaine dernière. Oui, c'est pour ça. Mais oui. Donc, Cassandre, souvent, ça marche bien aussi, Cassandre. Donc, non, non, moi, allez, je reste sur Joseph. Donc, et Joseph. Moi, on ne demande pas. Attends, Joseph pour Benoît, Cassandre donc pour Sylvain, et Manon. Moi, je dis Kazef. Quoi? Cassandre et Kazef. Alors, je ne l'ai pas dans ma liste, c'était sur quelle chaîne, Kazef? Cassandre, ah oui, non, moi, je pense que... Donc, toi, tu dis Cassandre aussi? Oui, allez. Eh bien, c'est bien Cassandre qui est 4e, à 3 013 000 téléspectateurs. Bah, dis donc, Cassandre, qu'est-ce qui se passe? Presque 20% de part de marché, deuxième meilleure audience pour France 3 oui, samedi dernier. C'est des rediffs? Non, je crois pas, c'est des inédits. Cassandre, ça faisait 4-5 millions avant. Oui, mais là, on a The Voice en face. Hein. Attention. Ouais, Qui est troisième? Il nous reste Tropic Criminel, Joseph, Carpe Diem. Ouais. Joseph. Ouais, bah Joseph. Joseph ouais. Aussi. Joseph, ouais. Oui. Tous les trois, vous êtes d'accord, Joseph? Oui, ouais, moi je voulais. Ça s'essouffle. Joseph est bien troisième à 3 251 000 téléspectateurs. Première audience, quand même, pour TF1 jeudi. Et qui est deuxième? Deuxième, c'est ça se joue Carpe entre Diem. Carpe Diem et Tropic Criminel. Carpe Diem, je pense. Ouais, Carpe Diem, ouais. Carpe Diem en deuxième ouais. Pour les... Mm-hmm. Et toi? Oui, pareil. Eh bien, vous l'avez dans l'os. Ah non? En deuxième position, nous avons Tropic Criminel bah, à 3 922 000 téléspectateurs. Ah, et bon. En première position, Carpe Diem, le final, 4 682 000 téléspectateurs. Plus de 25% de part de marché, ouais, leader. Ça n'a pas beaucoup fléchi, finalement. Non, ça a non, perdu non, à non, peine non, 500 000. Non, non. Hein. Oui, oui. Donc ça nous donne en 5 Alexandra L, en 4 Cassandre, en 3 Joseph, en 2 Tropic Criminel et en pole position Carpe Diem. Combien Tropic Criminel en audience, s'il te plaît? 3 922. Oui, c'est quand même pas trop mal quand même. Oui, mais d'habitude, il n'y a pas autant de concurrence, donc voilà. Ouais. Alors, à signaler que aux portes du rétroviseur, on a Grey's Anatomy en 6e, on a Hudson Rex en 7e, Après la nuit en 8e position. Sylvain, un commentaire sur Après la nuit? On peut partir sur le replay ou alors on s'en moque? Alors oui, on peut partir sur le replay. Par contre, moi, il y a quelque chose qui m'a dérangé dans cette série, c'est les face caméra pour les confessions des acteurs. C'est-à-dire qu'on voit une scène et d'un seul coup, l'acteur parle à la caméra pour exprimer son état d'âme. Alors ça sert à la série, mais je trouve ça dérangeant dans la construction même de l'épisode. Après, la série est très bien, mais bon, chacun de faire son choix. Moi, j'ai bien aimé personnellement. Benoît, Après la nuit, ça te dirait de regarder ça le matin? Après la nuit, le réveil. Voilà. Voilà, je dirais que ça. Non, franchement, non. Non. Manon, Après la nuit? Non. Oui, le réveil, petit déjeuner, tout ça. Alors, samedi dernier, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'était le retour de NCIS Enquête Spéciale sur M6. Oui, et combien? Ah on avait M6, ça faisait 2-3 mois qu'elle était sous respirateur. Ça a dû quand même reprendre un petit peu de poil de la bête. C'est-à-dire que là, NCIS Enquête Spéciale, premier épisode, le retour de la série américaine, 1 117 000 téléspectateurs, presque 8% de part de marché. C'est quand même pas terrible pour du NCIS. Il n'y a plus Marc Hamon, et on est dans les audiences qu'elle faisait avec le nouveau responsable de l'équipe. C'est-à-dire qu'on a une sacrée différence. On était à 600, 700 000, 800 000 téléspectateurs, et là on a plus de 1 100 000. Oui. Donc là, quand même, saluons la performance. À la belle époque, c'était au moins 3 millions, hein. Mais ça, c'était au début, c'était avec Marc Hamon. Voilà, faut remettre l'église au milieu du village pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de ces audiences. On va ouvrir une nouvelle case, mesdames, messieurs, avant d'accéder à la chronique. Ouais. Tant attendue. C'est toujours moi? Non, c'est bon, t'as donné un chiffre pourri. C'est toujours toi qui choisis, mais non, la chronique. Oui. Là, on, le mur des hits, là, on va laisser. Moi, je veux mon chiffre fétiche, le 6. Le 6, alors préparons-nous. Tu veux le générique du. Oui, allez, le générique. Et une bonne musique. Voilà. Donc, la numéro 6. Ouais. Donc, je clique sur la numéro 6. Ouais. Eh bien, écoute, moi, ça me va bien, hein? Après, toi, je sais pas, mais on est toujours dans la nuit. C'est sûr, hein? Entre les démons de minuit ou la vie la nuit, c'était sûr qu'on allait tomber là-dessus. Bon, début de soirée, c'est pas. Jour il râle, c'est pas possible. Non, c'est pas inédit, quoi. J'avais l'habitude à des petites pépites, je sais pas, il aurait pu trouver un peu qui sort de l'ordinaire. Là, la vie la nuit, Les ronchons, laissez-le. C'est pas mon mur des hits. Choisis une autre case si tu veux. Je te donne l'opportunité de cliquer sur une autre case. Non, moi je ne triche pas. On ne triche pas. C'est le jeu, il a choisi. Donc je vais cliquer sur la case 13. On n'a pas écouté La Vie la Nuit. La Vie la Nuit de musique en rêve. Mais nous avons tout gardé. fond, des rêves à tes ennuis. Dirige et guide de chaque pas, c'est ça, la vie, la nuit. Tu craques, hey, c'est le paradis. Pour que revivent en sensation les... Si tu préfères le funky ou les nuits de folie. Après Thomas éditeur, suite logique, William et Sacha. Ouais. Tout de suite là maintenant. Le meilleur moment de cette émission. Et en plus, mesdames, messieurs, en direct live. Ouais. Quelle chance. Destination série, le Manon série quiz. Je suis vraiment trop contente de le faire. En vrai, ça fait trop du bien d'avoir quelqu'un qui m'écoute. Mais du coup, bienvenue dans ce je ne sais pas combienième épisode de la deuxième saison du Manon Série Quiz, puisque je n'ai pas mon ordi où je fais mon Manon Série Quiz d'habitude, donc c'est compliqué, je m'y perds un peu. Oui, le principal, c'est que tu sois là. Voilà. On va commencer par une citation, parce que je trouve que ça fait longtemps que je n'ai pas fait, donc oui. on va commencer. Ah oui, une citation. Une citation, ce que tu préfères. Voilà, voilà. C'est une série récente. Et à mon avis, ça va être au plus vite, parce que vraiment, dès les premiers mots, on reconnaît normalement. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Dès les premiers mots. Ne regarde pas trop sur... Je vois rien. C'est vrai que c'est en tout noir. Alors, c'est l'essence brute et authentique de la jeunesse. Ses doutes, ses excès, ses premières fois. Cette série est un miroir de cette période intense, avec des personnages vrais, des émotions sincères et des histoires qui résonnent. Il faut se préparer à revivre ces années... entre éclats de rire, moments de tendresse et défis à surmonter. Premier baiser. Une série récente. Je suis vraiment déçue de Benoît. Moi, je vais aller dans le même sens que Benoît pour ce café. Récent. On peut les faire toutes, Hélène et les garçons. Ok, c'est série de plateforme, j'ai oublié de préciser. Le miel et les abeilles. Les séries de plateforme. De la jeunesse. Une essence brute de la jeunesse. Essence brute. Récente. Élite. Non. On revit cette période dans cette série. Oui. Pas d'idée. C'est. Oui. Bah alors moi, ça on fait. Cette période. Paille, hein, que j'ai pas regardé une série sur une plateforme. Ah si, mais je regarde des vieilles est-ce séries. Est-ce que Sylvain, est-ce que mais Sylvain de nom, de nom. De nom. Rien. Et pourtant, j'en regarde des séries, mais alors là, rien. Non, de l'essence de plateforme, même de la jeunesse. Oui. C'est mystérieux. L'essence même de la jeunesse. Les histoires. Histoires de jeunes, là. Il faut un indice maintenant. Il faudra un sur Netflix. Netflix, sur Netflix. Donc il y avait Elite. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Récent. Oui, tout récent. Tu viens de sortir le 13 mars. Adolescence, merci bien. Mais oui, c'est pas possible. J'y pensais, mais j'ai dit, j'en parle tout à l'heure. Bah oui, mais justement, je voulais te mettre la petite passe pour que tu puisses en parler après. Ah bah j'ai pensé à ça, mais je dis, c'est pas. Moi, je la connais même pas, moi. C'est moi qui choisis à qui donner le point. Non, bah c'est. Non, il est voilà. Bah non, du coup. Ah oui, mais je l'avais tout de suite en tête. Ah oui. Dit, c'est pas ça. Bah c'est pour ça que je me suis dit de la jeunesse. Ouais, bah c'est pas ça. Adolescence, c'est quand même. Moi, je non, cite, on n'essaye pas de te rattraper, Benoît. C'est un drame. Non, là. C'est un drame. Non. C'est pas attends, les. Si, moi, je dois avoir léger. Des rames. Attends, je passe les rames. Non, mais là, sincèrement, je l'avais. Hein. Oui, tu l'avais. Pensé, mais je l'ai pas. Bah, tu l'avais où que tu l'avais. Tu l'avais où? Je l'avais dans ma tête. Mais pour moi, c'était un truc léger. Tu vois, même si je dis le miel et les abeilles ou premier baiser, c'est que je cherchais quelque chose de léger. Prends-toi-en à celui qui a dit ça. Moi, j'y suis pour rien. Surtout, vachement copié parce qu'on en a parlé dans la voiture. Tu l'as fait. C'est pour ça que je voulais en parler comme ça, tu peux en parler après. Oh là là, oui, c'est pas possible. Ah, on peut même faire notre émission tranquille. Bon, bref, en tout cas. Donc voilà, c'est Adolescence qui sort. Bravo, Sylvain. Oui, bravo. Donc ça me donne envie. Ça me donne envie d'écouter l'émission qui va suivre. Voilà, je fais un petit teaser. Ouais, mais bon, c'est quand même un drame. C'est poignant, c'est sur. Et bon, on verra ça tout à l'heure du coup. Sur, c'est quoi les. C'est Netflix qui est sorti le 13 mars. Oui, c'est 4 d'accord, c'est à l'opposé de Hélène et les garçons. Ah oui, et les abeilles, post-café. C'est un drame. C'est un drame. C'est une fille qui se fait assassiner par un gamin. voilà, une famille. Oui, alors je comprends pourquoi tu as été perturbé. Donc là, l'essence je, oui, même de la jeunesse. Si c'est ça, l'essence même de la jeunesse. Bah bonjour. Bonjour la jeunesse, Manon. Hein, excuse-moi. Ouais, ouais. Non mais là, il faut s'en prendre au mec. C'est pas Manon, hein, c'est bah, le mec oui, qui a dit. Hein. D'accord. Je sais pas où c'est que j'ai vu ça. Je crois que c'est Télé 7 jours, un truc comme ça. Ah, un truc sur TF1. Alors faut se méfier parce que est-ce que l'info est venue du côté de TF1 parce même que... magazine. Alors maintenant TF1 ne m'en parlait plus. Je les ai blacklistés. Dans plus de série de TF1 avant un bon moment. Alors bah alors là. Bref, allez. Donc point pour Sylvain. Bravo. Il y a combien de points de retard pour la rattraper les deux autres? Là, quand même, c'est... J'en ai à 20 et quelques, là, des points, non? 20 points de retard, là. Ouais, ouais, c'est... Voilà. Ça va être dur. Bon, c'est pas... Bon. Maintenant, on va parler d'une petite série, Télé H. Est-ce que ça vous rappelle... la série H. Ah, H. Ah, avec Jamel. Oui, Jamel Debbouze. Eric Ramsey. Oui. T'as dansé la question, super. Elle va te... Merci. La réponse à la question. Je voulais savoir c'était quel duo d'humoristes qui travaillait un petit peu sur cette série parce que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai vraiment découvert en fait. Eric Ramsey, tu connaissais pas ? Oui. Non, je connais Eric et Ramsey, mais je connaissais pas la série H. Ah. Donc, bah, du coup, voilà, t'as le point. Je voulais le nom du duo d'humoristes. Désolé, mais la période là de H, ah oui, c'était, aussi, c'était la période où la grande période de Canal. C'est n'importe et... quoi aujourd'hui. C'est n'importe c'était, quoi. C'était la grande période de Canal. En plus, c'est écrit sur la télé, adolescence. Ah oui, c'est vrai. Bref. Y a non, mais il faut pas parler entre les questions comme bah, ça. On peut pas devancer les questions. Je suis tellement... Il est déjà à la ramasse, je vais pas lui envoyer, lui enlever des points. À la ramasse, pas tant que ça, hein, parce qu'il grappille. Hein. Allez, bah, surtout quand elle est là, parce que moi, moi le jeu, c'est quand elle est là. Quoi. Et là, c'est faut... ça, dire qu'après tu t'en fous faut vraiment... et que tu me donnes les points. Faut... Ouais, c'est ça. Allez. Faut vraiment moi, que. Je vais partir. Il est vraiment ronchon hein. Aujourd'hui. Oh, bah, moi aussi, moi je repars. Hein. Comme ça, c'est Sylvain qui fera la technique. Voilà. Bon, il y a aussi une petite tradition quand je reviens, c'est que généralement je fais des petites charades pour trouver le oui. Nom d'une alors série. Ça, je laisse la charade à Benoît, il adore. Je te rappelle que la dernière, c'est toi qui l'as trouvée, oui, Riverdale. Vrai. Hein. C'est vrai. Ah, bon. Donc voilà, c'est parti. Encore je suis... là, mon Riverdale. J'ai jamais regardé Riverdale. On était là, River, et puis ouais, quelqu'un qui a faim, puis l'autre dit la dalle, bah Riverdale. Ah, puis, ouais. Bon, allez, super. Ça, je crois que je vais arrêter. Hein, parce que... Un résumé des épisodes précédents, mais vous l'avez eu aussi dans le replay. Tu l'avais mis oui, dans j'ai le... fait des mini best-of pour mettre en avant le superbe travail de Manon, parce que plusieurs fois on m'a dit, mais tu rajoutes des musiques de fond, tout ça, donc je voudrais que tu le redises à l'antenne que c'est vraiment toi qui travailles tes fichiers. Moi, je n'y suis pour rien. Allez, là, je travaille mes fichiers. c'est fichier. Bon, alors la charade, on en revient parce qu'on va être en retard. C'est moi qui l'ai fait. Je sais pas. Ils sont toujours bien tes charades. Regardez, voilà, c'était magnifique. Alors, mon premier est l'article opposé défini à la. Mon second est comment. On est défini quand on est un homme et qu'on aime un homme. Mon troisième, est-ce que Benoît se fixe à 10 000 comme objectif tous les jours ? Ah oui, d'accord. Mon quatrième se dit quand on veut faire ah oui, d'accord. à nous quelque chose encore. Genre refaire encore, faire. C'est compliqué. Quand on veut refaire quelque chose. Répéter quelque chose. Voilà. Ok. Le tout est une série qui vient de sortir sur Netflix. Le Guépard. Oui, bravo. Vous l'aviez ? Bah, je l'ai eu à cause de Gay, hein. Ouais, mais alors donc, pas. Gay. Alors, oui, mon premier est l'article opposé défini à la. Donc le. Le gay. Ok, mais le par, j'ai pas compris. Mon troisième, est-ce que Benoît se fixe à 10 000 comme objectif tout le pas ? Des pas. 10 000 pas. Par 10 000 exemple. Pas. Faire 10 000 pas par jour. Et or. Et mon quatrième se dit quand on veut refaire quelque chose, mais je l'ai pas mis comme ça. Quand on veut faire à nouveau quelque chose, on refait. On refait. Guépard. Ah. Guépard. Oui. Ok. Désolée, elle était pas si bien. Elle est un peu moins bien que Riverdale. Ah. C'est compliqué de faire des charades. Je vous jure que c'est pas facile. Non, moi, je serais plutôt parti peindre une pour avoir le art, faire un tableau ou je sais pas quoi. J'aurais pu une sculpture. Dans l'artistique, de l'art. Voilà. L'art. Ou alors tu prends du cochon. Le boucher. Ou le boucher. Oui, mais c'est l'art, du coup. Non, on voulait art. On voulait art. Ou alors le mieux, si tu voulais avoir des R, J'ai des collègues qui m'ont dit regarde le film, Oui, il y avait un film. Oui, alors le film machin. Alors là, j'ai failli me mettre la tête dans l'étau parce que le film laisse tomber. C'était avec. Ah bah il y a une pléiade d'acteurs là-dedans. Oui, c'est ça. Voilà, c'était un film. C'est un peu spécial. Enfin, j'aime bien l'humour, mais tu vois, je préfère regarder la Septième Compagnie. C'est pas du tout. Il y a pas de R dans la Septième Compagnie, mais au moins je rigole. Là, j'ai eu du mal. D'accord. Enfin, j'ai bugué dès le début du film. Mais t'aurais eu les R qui te manquaient. Oui, non, désolé. Je ferai mieux la prochaine fois. Eh ben, on a un point partout. Oui. Voilà, chacun un point. Pour Sylvain. Voilà. Voilà. Pour Sylvain, point pour, donc voilà. Sylvain entre dans la danse. Va-t-il dépasser Benoît? C'est la question de cette saison. Le suspense trouvera son final en juillet prochain, car cette année Benoît reste jusque fin juillet et il part en vacances que début août. C'est ça, oui. Quand Monsieur boit de l'eau. Mais maintenant, je suis mon remplaçant. Il me remplacera au mois de juillet. Maintenant, je vais prendre plein de vacances. Je me remplace. Alors, il a déjà travaillé sur ta voix parce qu'il faut quand même qu'il ait la même voix. Hein. Ah, non, mais ça va. Non, j'ai... Il est irremplaçable. On ne peut pas le remplacer. Si, mais voilà, comme ça, je vais pouvoir prendre plein de vacances. Non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Il est irremplaçable. Hein. C'est pas vrai. Tout le monde est irremplaçable. Eh bien, alors écoute, je vais te dire une chose, Benoît. À 19h, nous allons partir boire un petit café pas très loin de la radio et on va te laisser à la régie. Et alors ? Eh bien, comme ça, tu vas faire ta technique. Eh bien. Oui, c'est bon. Eh bien, alors, je vois pas le rapport avec. Bah, tu dis personne n'est irremplaçable jusqu'à non, présent. Je ne suis pas irremplaçable. C'est ça que je voulais dire. Ah non, moi je suis parti sur personne n'est irremplaçable. Question de philosophie, on va avoir une nouvelle émission. Est-ce qu'on est remplaçable? Personne n'est remplaçable. La question du jour. On peut toujours se remplacer, oui. Être remplacé par quelqu'un. Mais alors donc tu peux me remplacer à la régie alors? Oui, non mais d'accord, oui, mais là c'est pas pareil. Ah d'accord. Mais on peut prendre quelqu'un d'autre pour faire la régie à la place. Mais voilà, quelqu'un d'autre pourrait faire la technique aussi. Mais. Non mais moi je. Mais je comme moi, quelqu'un pourrait me remplacer, c'était ça que je voulais dire. C'était humble de ma part. Qu'est-ce que t'es en train de tourner ça? Bah moi je. Je me casse. Bah, j'allais être agréablement surpris. T'allais prendre ma place à la régie. Oh, c'est compliqué aujourd'hui. Allez, pour sauver la situation, mur des hits. Voilà, c'est ça. Alors, tout de suite, le mur des hits. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que Benoît va ouvrir une case qui non, va lui faire plaisir. Sylvain, il n'a pas donné de numéro encore, si? Si, j'ai choisi la chanson d'introduction. Ah oui, c'est vrai que on était dans les bouchons, on n'a pas entendu. Oui, alors donc il a choisi la chanson d'introduction. Manon, ah bah c'est toi, tu as choisi la 20. Toi, tu as choisi. Alors c'est à moi. Bah c'est oui, toi. C'est à toi, Laurent. Eh bien, écoute-moi, tout à l'heure, j'avais pensé à la 13, donc je vais cliquer sur la 13. Non, je ne sais pas si ça va bien plaisir à Benoît. De toute façon, je suis blindé maintenant. Donc voilà. Ouais. Donc il faut que je reparte dans... Et toujours sur le thème de la nuit ou... Alors, oui, c'est toujours la nuit, mais je ne sais pas si réellement ça va te faire plaisir. Alors, On aurait pu avoir Sandra, In the Middle of the Night. In the Middle of the Night. Bon, c'est pas très jeune non plus, mais... Alors... Bah c'est celle-là en plus, non? Ah, purée, tu l'as deviné. C'est vrai? Oui. Ah, bien. Là, il est content, ça y est, tu l'as. C'était ça, la 13? C'était ça. Oh, la fort, là. Hein. Là, j'avoue que... Bah, fallait bien au moins, sur la sélection, qu'on tombe sur quelque chose qui fasse plaisir. Oui, bah, ça te fait autant plaisir. Ah bah, objectivement, oui. Voilà. Oh. En version maxi, en plus. Talk to me. We'll be right back. Ce Michael Cretu, quand même, c'était quelque chose. Ouais. Alors, sans le vouloir, en fait, on a fait une spéciale années 80. Oui, c'est vrai. On avait d'autres titres qui n'étaient pas années 80, mais tout ce qui est... Ah oui, bah sur 22, il y avait quand même une sacrée... T'avais dit que t'en avais pas mis 22. Bah non, mais il y avait quand même une belle sélection ouverte. On aurait pu tomber sur quoi? Allez, un peu aller... Dans les trucs actuels, on aurait pu tomber sur quoi? Alors, on aurait pu tomber sur... Alors, je repars dans le mur des hits. Hein. Il faut quand même qu'on ait sur 3 titres, enfin 4 titres. On est 4 alors, titres. Alors, je vais demander à ouvrir toutes les boîtes... Alors, on aurait pu avoir Calogero, La nuit n'est jamais noire. Ah oui, peut-être ça aurait été un peu plus original, ça, c'est vrai. Dua Lipa, Dance the Night. Ah, on n'y a pas pensé. Dance the Night, On avait un retour dans les années 90 avec MC Sar et R.L. McCoy, Another Night. Ah oui. On avait Valérie d'Or, The Night. Ah, The Night. Ah purée, c'était encore des années 80, ça. Ouais, voilà. Mais on avait quand même deux petites pépites qui nous ramenaient... Ah, on est quand même tombé sur des trucs... à part Sandra... Bah, on est tombé sur des trucs... Ouais, oui, non, mais... C'est Dieter Bohlen, quand même. Non, mais d'accord, mais... Avec sa voix de... Restez correct, oui. Monsieur Benoît, non, mais il y avait correct. Des trucs originaux, comme tu as l'habitude de nous faire. Oui. Bah, pas de bol. Si tu veux, je t'en ramène, j'en ai plein à la maison. Allez, on Destination Série, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain.